De Spoutnik 1, un reportage de Michel Marcoux en direct de Baïkonour. Le lancement de Spoutnik. Merci Michel. Nous vous avons présenté le Radio-Journal. Bonsoir. La Barberie à 15 ans, maintenant. Bonsoir amateurs de musique progressive, vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 à Québec et c'est l'émission Terra Incognita de 22h à minuit et vous êtes en compagnie comme d'habitude de Bruno, l'infatigable metteur en ondes et de Jean-François Lamarre à l'animation et nous sommes en très bonne compagnie avec Florence et Odile. Deux choristes du groupe Pulse Fiction. Oui, exactement. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Et Pulse Fiction, si vous voulez nous présenter le groupe, les musiciens. Oui, donc c'est un groupe composé de 9 musiciens. On va commencer par le drummer, qui a entre autres commencé le projet, Daniel Deschaines, qui est au drum et à la voix, dans le fond. Il s'occupe beaucoup aussi de préparer la scène. Là, c'est vraiment toujours des gros préparatifs pour chacun des shows. Ensuite, on a le bassiste Simon Marcoux. Qui fait aussi, également partie d'un autre groupe, qui a voulu embarquer dans le projet récemment. Ensuite, le guitariste principal, Louis-Philippe Marmet-Rochefort, qui est entre autres le frère d'Odile. Ben oui. Quoi? J'ai dit ben oui, c'est mon frère. Oui. Chanteur aussi dans le groupe, guitariste, et deuxième guitariste, Vincent Lemontagne, récemment aussi embarqué dans le groupe. Tu peux continuer avec les autres? Oui, je peux continuer. Ben, il y a les trois choristes, il y a Florence, il y a moi, puis il y a Isabelle aussi. Puis, sinon, il y a Antoine Lemurin-Frette au clavier et synthétiseur et toutes ces choses qui font des drôles de sons. On est pas mal tous des gens à l'Université Laval, à la faculté de musique, soit en classique ou en jazz. Il y en a quelques-uns qui le sont pas, mais qui sont musiciens aussi à côté. Sinon, mais il y a aussi Jasmin Boily, qui est saxophoniste, qui est aussi à l'Université Laval. Donc, c'est toute une gang d'amis qui ont parti un projet et qui ont vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Donc, ça fait un beau groupe qui interprète des pièces de Pink Floyd et vous vous appelez Pulse Fiction. Donc, si on y réfléchit un petit peu, Pulse, c'est le titre d'un album live qui est paru dans les années 90. Ça fait référence, j'imagine, un peu au film culte Pulp Fiction. Ben oui, puis en même temps, non, c'est vraiment sorti de... En fait, on a commencé le band à cause d'un concours qui était Lévis Ville du Rock, à la petite grenouille de Lévis. Puis à un moment donné, le temps avançait, on trouvait pas de nom. Puis c'était juste comme, mais là, on n'a pas le choix. Là, faut trouver un nom, on n'a pas le choix. Puis c'est sorti à un moment donné, Pulse Fiction. Puis tout le monde a dit, ben... Ça marche bien. Ça fonctionne, puis ça a été ça. Il n'y a pas eu trop de... Mais le Pulse, c'est sûr que c'est en grosse partie pour le show, qu'ils font. C'est vraiment le show qu'on essaie le plus de représenter aussi. Moi, je suis choriste dans le groupe. Fait que moi, je peux dire qu'on regarde beaucoup les choristes de ce show-là pour représenter les mouvements puis les harmonies beaucoup là, dans nos spectacles. Et un concert de Pink Floyd sans des choristes, ce serait quasiment pas un concert de Pink c'est Floyd. C'est pas autant Pink Floyd. Non, c'est pas autant Pink Floyd, c'est sûr. Surtout si on prend l'album Dark Side of the Moon, où c'est extrêmement présent. Puis si on enlève ça, Ça enlève une dynamique. Ça enlève une dynamique, ça enlève une couleur. C'est vraiment quelque chose qui fait toute la différence. Avec des voix magnifiques, toujours. On accorde beaucoup de voix, beaucoup d'importance aux voix féminines. Et tellement que The Great Gig in the Sky, j'imagine que vous connaissez un petit peu l'histoire de cette pièce-là et de la controverse que ça a suscité. Oui, en effet. Vous avez vu le DVD où est-ce qu'il est question de cette pièce-là, comment est-ce qu'elle est née. C'est Claire Torrey qui avait été invitée à faire des vocalises. Puis... elle est partie comme en transe, puis elle s'excusait d'avoir fait perdre le temps. J'ai trouvé ça tellement bon comme anecdote. Là. Et bon, vous parliez tantôt de votre formation, vous avez des formations en musique. Oui, bien en fait, moi j'ai toujours fait de la musique depuis que je suis petite. Piano, secondaire, clarinette. Là. Puis j'ai commencé en chant, dès qu'en chant classique au cégep à Montréal. Puis je me suis envenue à l'Université Laval pour commencer un bac en interprétation en chant classique. Puis c'est là que j'ai connu Odile puis les autres personnes du groupe. Puis c'est ça qui m'a embarqué dans le projet, dans le fond. Ouais. Pour moi, c'est ça. Là. C'est un peu la même chose pour moi, en fait, sauf que j'ai grandi à Lévis. J'ai fait du piano depuis que je suis toute petite. Puis après ça, j'ai commencé le chant classique au cégep. Puis contre toute attente, je me ramasse à faire un bac en interprétation en chant classique à l'université. Puis on verra où ça nous mènera. Mais pour l'instant, c'est le fun de pouvoir jumeler la technique classique avec un band comme ça qui est plus, bon, disons populaire, là, mais une technique qui n'est pas nécessairement la même, mais de pouvoir découvrir un peu les deux mondes, c'est vraiment, vraiment agréable. Ça, des fois, quand on rencontre des gens puis qui s'informent sur nos études, tu ne connais pas vraiment, tu dis « Ah, puis tu fais, as-tu un groupe à part? » Oui, j'étudie en chant classique, puis j'ai un groupe aussi de Pink Floyd. « Ah, c'est pas pantoute la même chose! » Puis là, ils se demandent comment qu'on se retrouve là-dedans. T'sais. C'est quand même le fun. Puis, moi, des fois, on ne se retrouve pas vraiment, mais... Non, tu sais pas pourquoi dans quoi que t'es, là, mais c'est toujours le fun, ça apporte quelque chose de complètement différent à notre parcours. Hein. Ben justement, on n'est pas à la télévision, on ne peut pas nous voir, mais vous êtes toute jeune. Et comment s'est fait le contact avec Pink Floyd? Vas-y. Oui, ben moi, en fait, ça fait pas si longtemps que ça. C'est pendant... c'est mon frère qui est plus jeune, en fait, qui fait partie du groupe, qui m'a vraiment fait connaître ça pendant un voyage. On était partis en camping en Caroline du Nord pendant un été. Puis... pas l'album de l'été, mais plusieurs pièces. Je me souviens d'ailleurs, un soir, il y avait un gros orage, puis on était en tente. Là, c'était... Donc, disons que c'était pas très agréable parce qu'il pleuvait, puis on était dans une tente. Donc, on s'est tout ramassé dans le pick-up. Puis, à un moment donné, il s'est mis à avoir des gros éclairs, puis il pleuvait, ça avait pas de bon sens. Puis, mon frère est parti à un CD de Pink Floyd. On est parti Dark Side of the Moon. Puis, on était avec mes parents, puis on écoutait ça. Puis, ça a été comme une genre d'illumination de beauté. Puis c'est vraiment une musique que je trouve pure. Puis c'est tellement le fun de voir où chaque mélodie est amenée. Si je prends justement dans Dark Side, moi, une pièce qui me fait capoter, c'est Any Color You Like. Puis quand t'écoutes toute la progression d'album, puis quand t'arrives à ça, tu te dis « Ah, mais à quoi il pensait? Où ça s'en allait, tout ça? » Puis c'est un album concept que je trouve tellement intéressant à écouter justement d'un bout à l'autre parce qu'il est tellement... tellement rempli de petits détails. Puis plus je l'écoute, plus je l'apprécie. Donc ça fait pas très longtemps que je suis familière avec Pink Floyd, mais c'est clair que j'ai pas fini d'en découvrir sur ce band-là, et plus j'en écoute, plus j'en mange, vraiment. Donc, on rappelle que vous êtes en concert le 15 décembre prochain à la scène de Bourgneuf. Exact. On va en reparler un peu plus tard. Pour l'instant, on va écouter une pièce de Mystery, une interprétation de Mystery avec la pièce « Et You ». There in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the lies. Don't give in without a fight. you're on your own, sitting naked by the phone. Would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out. Would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home. Yeah. C'était Glass Hammer, extrait de leur nouvel album qui s'appelle Perilous. Et la pièce qu'on a entendue, ça s'appelle Orpheus Revealed. Et si vous trouvez que ça ressemble à Yes, c'est pas un hasard, c'est que c'est le nouveau chanteur de Yes qui est le chanteur de Glass Hammer. Et juste avant ça, c'était AU interprété par Mystery. Et nous sommes de retour avec Pulse Fiction. Et pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous passionne dans l'œuvre de Pink Floyd, pour des jeunes comme vous autres? Tout. C'est pas compliqué, tout. C'est facile à comprendre. Moi, j'ai grandi avec Dark Side of the Moon depuis que je suis petite. C'est tellement de musique qui se place bien dans tous les contextes. C'est facile d'écoute. C'est En fait, c'est drôle. C'est tellement plein, c'est riche comme musique. Ça va chercher... C'est dans un show, je veux dire, les shows qu'on fait, tu regardes qui est dans la salle, c'est t'envoies de tous les âges. Puis je trouve ça tellement beau de cette musique-là, de ce groupe-là aussi. Ça réunit tout le monde, tu sais. Je veux dire, je vois quand on fait des shows pas dans des bars, dans les salles, des enfants de 15 ans, 16 ans, autant qu'il y a madame puis le monsieur de 60 ans qui trippent, là, tu sais. Puis ça, je trouve ça beau. Mais c'est drôle parce que tu dis, ça, c'est une musique qui convient à toutes. Moi, c'est drôle, ce que qui me passionne, puis ce que je trouve impressionnant, c'est que c'est une musique que ça, tu l'écoutes, puis chaque album, tu l'écoutes, puis tu te mets dans un état, puis c'est toujours un état différent. Si on prend Animals ou si on prend Metal, c'est deux choses complètement différentes. Donc, c'est la capacité qu'ils ont à faire des albums, puis de t'amener dans d'autres sphères complètement, puis du début d'un album à la fin d'un album aussi, comme dans le fond. Donc, cette capacité-là à nous faire vivre des choses différentes sur chaque album, je trouve ça vraiment intéressant. Et Pink Floyd, c'est très universel. Je pense que ça a traversé les âges. Et je pense qu'on va prendre le temps d'écouter une pièce dont on parlait tantôt, Cymbeline, interprétée par RPWL, qui seront à Québec au mois de mai prochain. On va en reparler. Mais pour l'instant, on va écouter Cymbeline, interprétée par RPWL, et remarquer vers le centre de la pièce un aparté qui vient d'une autre pièce. Mais je vous laisse la surprise.

un groupe de Pink Floyd, quand on dit, quand on demande vous êtes combien dans le groupe, ben, on est autour de 9, plus les techniciens. Ben, tu sais, ça fait beaucoup de monde à gérer, là. Puis, mais, tu sais, je veux dire, c'est ça, Pink Floyd, c'est une ambiance de groupe aussi. Mm. Puis, c'est tellement le fun. Puis la période qui est couverte par ce concert-là, est-ce que vous vous concentrez plus sur une période ou si vous faites un peu comme David Gilmour a fait dans les dernières années, qui est allé chercher des vieux morceaux, là, comme celui qu'on a entendu tantôt, le Cymbeline, mm-hmm. ou aussi Millie Play? On n'a pas de vieux Pink Floyd comme tel. C'est sûr que dans notre show en ce moment, ce qu'il y a, la première partie, c'est Dark Side of the Moon intégrale. Puis dans la deuxième partie, on pige dans Metal, dans Division Bell, dans Animals, puis dans The Wish Wall. You Were Here, dans The Wall. Donc, c'est vraiment les albums les plus connus de Pink Floyd, vraiment. OK. Puis, quand on parle de Pink Floyd, j'aimerais savoir, c'est quoi votre vision du groupe? Pourquoi ce groupe-là a traversé les âges comme ça, alors que la plupart, on peut dire, se sont plantés, soit à la fin des années 70 ou dans les années 80? Évidemment, vous n'étiez pas là à ce moment-là. Non, mais... je ne peux pas dire pour cette période-là. c'est une bonne question. Je pense que, un peu comme je disais tantôt, ce qu'ils ont réussi à faire, parce que c'est pas une musique... c'est une musique à ambiance, en fait. Mm-hmm. Donc, c'est pas une musique que tu écoutes n'importe quand, dans n'importe quel état. Donc, je pense qu'à cause de ça, ils réussissent à faire découvrir... Dans le fond, moi, je l'ai découvert, j'avais 16 ans. J'imagine, je sais pas pour toi à quel âge exactement tu l'as découvert. On en parlait tantôt. C'est... À peu près 12 ans. 12, bon, 16 ans. Ben 12 ans, c'est ça. Mais chacun, quand le découvre à l'âge qu'il le découvrira, mais peut retirer certaines choses de ça. Puis à force d'en écouter, on redécouvre toujours plein de choses de Pink Floyd. Donc, je pense que c'est la redécouverte aussi, à force d'écouter les albums, qui fait que ce groupe-là va encore et va continuer de traverser le temps. Je pense que c'est ça. Pour l'instant, on va écouter une pièce qui vient d'un disque qui s'appelle Pink Box. C'est encore une fois des covers, des réinterprétations. Et la pièce qu'on va entendre, c'est In the Flesh. Et ce sera suivi de 2112 Ouverture. C'est The Royal Philharmonic Orchestra qui joue la musique de Rush. Yeah. une vision dans l'eau. C'était le groupe suédois Therion avec Initial BB. Vous avez sans doute remarqué que le texte était enchanté en français. C'était un texte de Gainsbourg. Et toutes les pièces qui sont sur ce disque-là, qui s'appelle Les Fleurs du Mal, sont toutes en français. C'est toutes des auteurs francophones. Et c'est assez original, un fond de métal, mais c'est toujours quand même du Therion. Et juste avant, c'était dans un autre style un peu particulier, la musique de Rush, interprétée par le Royal Philharmonic Orchestra. Et nous sommes toujours en compagnie de Florence et Odile, et on est là pour parler du concert qui aura lieu le 15 décembre prochain à la scène Le Bourgneuf, la magnifique salle... Le Bourgneuf, qui est toute nouvelle, toute neuve. Oui. Nous autres, on a assisté au concert de The Watch la semaine dernière. On a inauguré cette salle-là. Et c'est vraiment magnifique. C'est une salle confortable avec des sièges comme au cinéma, là, où on peut se bercer, comme dans les cinémas Odéon, là, maintenant. Et c'est le grand confort, c'est le grand luxe. Donc, les auditeurs de Pulse Fiction vont être bien pour écouter cette musique qui est relaxante. Et en parlant de cette musique-là, les réactions que vous avez eues jusqu'à maintenant, on disait tantôt que ça faisait à peu près un an que vous aviez commencé. Bien, moi, les réactions que je trouve toujours, pas le plus agréable, mais les plus surprenantes, c'est quand il y a des personnes beaucoup plus âgées qui viennent nous voir, tu sais, 60 ans, Hey, c'est vraiment trop bon. Je me sens comme si j'avais 15 ans quand je les écoutais. Je fais aïe aïe. Tu sais, il a trippé autant que le gars de 20 ans, le jeune de 15 ans qui était assis à côté de lui, sinon plus, tu sais. Depuis un an, on a vraiment avancé, je veux dire. À chaque fois, les commentaires, c'est de mieux de fois en fois. Je pense qu'en fait, la réaction la plus spéciale, ça a été la nôtre, en fait. La première fois qu'on a vraiment fait le show, puis qu'on s'est ramassé en backstage, puis qu'on a fait comme... Aïe, aïe! Hey, on vient de pogner de quoi, là? On a... Puis c'est vraiment... En toute humilité, là, je participe à ce projet-là, puis je suis extrêmement fière de ce projet-là, de participer à ça. Puis la réponse du public est vraiment très bonne. Donc, c'est toujours, de fois en fois, c'est toujours aussi plaisant de se produire devant des adolescents ou devant nos parents qui nous suivent. Il faut le dire, ça, pas mal. Mais c'est vraiment fun de voir que ça touche tous les âges. C'est ça, c'est vraiment la réaction du public... T'sais, je veux dire, ils nous voient en show, puis ils trippent tellement, là. Fait que tu dis, ben, ça marche bien, je pense, là. Puis on trippe autant sur scène qu'eux, ils trippent dans la salle à nous écouter, là. Mmh. Puis c'est un salle vicieux, donc ça fait que l'énergie qu'ils nous envoient, on leur redonne également. Ça. J'ai l'impression que c'est ça qui fait que ça fonctionne. Des deux côtés. Pour l'instant, on va écouter une pièce de Jellyfish, le groupe de Montréal. C'est un groupe qui a été aussi influencé par Pink Floyd. Et on va écouter Les Arbres. Yeah.

Racine musicale et les Geeks contre-attaque. Meilleure promotion du français. Univers francophone du mardi, animé par Suzy Turcotte. Meilleure émission rock, Mezzanine. Meilleure émission racine, folk d'Amérique. Meilleure émission de musique spécialisée, web musique. Meilleur magazine, Futur simple. Prix personnalité radio voté par les pairs, Jean-Sébastien Grondin. Bénévole de l'année, Michel Monette. Merci à tous pour votre participation au vote populaire. À l'an prochain. Les vendredis à minuit, CKRL entre dans l'entropie sonique où le death metal augmentera votre fréquence cardiaque et vous fera headbanger. Le black metal vous fera voyager dans un monde où les sombres forêts font place au désert de glace infini. Au menu hebdomadaire de l'entropie sonique, des nouveautés, des bons vieux classiques, de la brutalité et de la âme audiophonique sans bornes. L'entropie sonique, tous les vendredis, minuit. Chaque mardi et vendredi, CKRL vous propose des émissions variées axées sur le blues, le métal, les sports, le reggae et plusieurs autres styles, tout comme les soirées du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, c'est des spéciaux sur les bières importées et des microbrasseries québécoises, les étonnants 5 à 7 sur les bières canadiennes et le vin, les 2 pour 1 tous les jours de 21h30 à 22h et de 23h30 à minuit. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. Lebaldulezard.com. Et nous sommes de retour en compagnie d'Odile et Florence. Et ce qu'on a entendu en terminant, c'est Jellyfish et leur pièce Les Arbres. Et, donc, on parlait, off the record, des réactions que votre groupe a suscité et de la fidélité que vous accordez aux pièces. Mm-hmm. Ben, en fait, comme on disait, le projet est parti, dans le fond, pour le concours de la petite grenouille à Lévis. Et dans ce concours-là, un des critères, en fait, le critère principal, c'est d'être le plus fidèle possible, donc de respecter mélodiquement tout ce qui se passe vraiment là dans... Côté scénique, côté musical, ouais, c'est ça, exactement. Vraiment tous les aspects, là, tu sais. Donc, pour ce concours-là, qu'on a gagné d'ailleurs, on a été obligé de vraiment respecter tout ça, mais c'est certain que depuis qu'on a laissé de côté, bon, on est rendu... On fait un hommage à Pink Floyd, mais on est aussi Pulp Fiction, donc comme je disais, quand on arrive dans Another Brick in the Wall, ben, les gars, ben, ils ont chacun leur solo, puis ça a sa place parce que c'est Pulp Fiction, c'est plus juste un hommage à Pink Floyd dans un contexte de concours, c'est nous aussi qui jouons. Donc, il y a la couleur aussi de nos musiciens qui peut ressortir à travers tout ça. Un peu à la façon d'Australian Pink Floyd qui mm-hmm. fait tout un malheur un peu partout dans le monde, qui se sont un peu approprié le concept avec leur kangourou là, qui est toujours omniprésent. vous êtes approprié la musique de Pink Floyd, vous en avez fait votre marque. Oui, exactement. Puis c'est, je disais Another Brick, mais dans Any Color You Like, c'est aussi. C'est un peu le même principe, tu sais. On le sait que c'est Any Color You Like, c'est ça, c'est, mais le groove est pas le même, puis il y a des petites différences comme ça qui fait que, bon, mais c'est pas Pink Floyd, c'est Pulp Fiction, voilà. Et, bon, on rappelle que c'est à la scène Le Bourgneuf, et que c'est samedi le 15 décembre, donc dans 2 semaines exactement. Oui, exactement, ça s'en vient vite, là. Ben oui, vous devez commencer à voir des petits papillons. Ouais, ben c'est toujours le fun, puis en fait, on a eu un show la semaine passée, puis l'autre avant, ça datait d'il y a un mois, donc c'est le fun de voir que ben, les shows, ça se rapproche, puis là, ben, on en a un dans 2 semaines, donc on a toujours très hâte, là, c'est de remonter sur scène avec les gars, puis avec Isa, c'est toujours très agréable. T'as toujours hâte de te retrouver sur scène avec l'ambiance, puis le groupe, là. Mm. Ouais. Puis éventuellement, quel projet vous avez pour ce concert-là? Disons, pour ce spectacle-là que vous promenez. Ben, c'est certain que, pour l'instant, les dates d'après Noël sont pas encore sont pas fixées, donc on peut rien vous dire pour l'instant. Il va en avoir, ça c'est certain. Puis nos dossiers de presse, nos démos sont envoyés sous peu pour les festivals l'été prochain. Donc c'est vraiment dans le but de continuer, puis de prendre de l'expansion. Puis on verra où tout ça peut nous mener, mais c'est clair qu'il y a beaucoup, on a beaucoup d'attentes avec ce projet-là, puis on espère bien les réaliser. Puis en attendant, c'est sûr que les gens peuvent toujours nous suivre, on a notre page Facebook. Oui, exactement. Vous pouvez voir d'ailleurs toutes les photos que le photographe prend, Vincent Demers. Oui, très belles photos. Il fait d'ailleurs toutes les affiches aussi pour nos spectacles. Très, très belles affiches que vous pouvez voir sur notre page Facebook. Nous avons également une page Twitter aussi. Vous pouvez toujours nous suivre. Mm-hmm. Puis ces affiches-là, on les affectionne particulièrement parce que sont tellement belles. Ils regroupent toutes les images, tous les aspects des différents albums. Ça vaut la peine d'aller sur le site de sur notre site là, Facebook Pulse Fiction pour voir les affiches. Voir le travail que Vincent fait. C'est vraiment un c'est travail quelque chose. Oui. On invite nos auditeurs à aller faire un tour sur votre page Facebook, mais pour l'instant, on les invite plutôt à aller au concert qui sera donné à la scène de Bourgneuf le 15 décembre. Et les billets sont en vente sur Billettech. Exactement. Et c'est un coût assez minime. On parle ici de 16 $ plus les frais, donc exactement. On parle d'à peu près 20 $. Oui, ça revient autour de 20 $. Puis ils sont déjà en vente depuis notre dernier show à l'Anglicane le 6 octobre. Fait que dépêchez-vous, on vous attend. On espère bien vous y voir, en effet. Donc, c'était un rendez-vous. Merci beaucoup, Odile et Florence. Ça fait plaisir, merci. Plaisir, merci. Et pour l'instant, on va écouter Comfortably Numb, interprété par Pink Box. We'll be right back. all my thoughts are like coin. The rusher on ice is burning a hole. If I call, will you come and will you save me? You said you hate me this way.

which we chose, denied my step and froze my heart. And yet I stand with nothing left to do. Verdict that I came for, migration song. Patterns of death overwhelms, fixation rise. I came along the way and came to a conclusion. The indifferent sky is made of lead and so beautiful. Submission, come you will. Take your well-deserved step into darkness. I'll become your eyes. You have no other. We have to walk along this wire. Trust the one that never trusted you. Trust the one that never trusted you. C'était Catatonia, avec un disque qu'on entend parler de plus en plus, Dead End Kings. Et moi, je voyais toutes sortes de références à ce groupe-là. Et un petit parallèle qu'on faisait avec Opeth. Et je pense que c'est pas impertinent de dire ça. Et à la façon un peu d'Opeth, il joue dans les notes assez lourdes. Mais ils vont pas avec des vocalises de death metal. Ils tombent jamais là-dedans. Par contre, il y a des guitares assez élevées. Et un peu à la façon d'Opeth avec son dernier album, ben, il y a des passages beaucoup plus doux. Donc, je pense que c'est un disque que je vous suggérerais, disons, de jeter une oreille dessus. Ça en vaut la peine. Et bon, on a passé quand même une bonne émission en compagnie de Odile et Florence et on vous invite à aller voir leur concert du 15 décembre prochain. Et pour rester un petit peu dans cet esprit-là, on va écouter une pièce d'un album que j'ai reçu hier. C'est Nectar avec son nouvel album Spoonful of Time. Et j'ai eu une drôle de surprise, c'est que, en fait, quand je l'avais commandé, je ne savais pas exactement ce que c'était. C'est des membres de Nectar qui sont associés plus ou moins avec le groupe qui sort toutes sortes de choses, là, qui est, je pourrais dire, produit par Billy Sherwood, un transfuge de Yes. Donc, on retrouve là-dessus Steve Aoki, Rick Wakeman, Nick Turner, Ginger Baker, Derek Sherinian, Mel Collins et une foule d'autres musiciens qui apportent leur contribution à, en fait, c'est un rassemblé de covers. On retrouve entre autres Spirit of Radio de Rush, Fly Like an Eagle de Steve Miller et aussi Wish You Were Here de Pink Floyd, évidemment. Donc, c'est une version où on retrouve des musiciens de Nectar, mais aussi d'autres musiciens parmi ceux que je vous ai nommés. Donc on y va avec Wish You Were façon Nectar. Mm-hmm. so you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for ghosts, hauling ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? And did you exchange a walk-on part in the war for a lead role in a cage? We'll be right back. scongiurare la mia follia. Le notti insonni mi consumano, dammi la forza di inviarmi in te. Mi tiene in scacco con l'alcolagna, Nostra Signora di spasimo. Fantasia, mi restan solo le bambole quando fisso a lungo lo specchio, la mia sembianza è come polvere. Et c'est déjà pratiquement terminé pour cette édition du 1er décembre 2012 de Terra Incognita. J'étais en compagnie de Bruno et Jean-François et avec nos invités Florence et Odile du groupe Pulse Fiction qui seront en concert le 15 décembre prochain à la scène Le Bourgneuf. Les billets sont en vente maintenant. Et je vous rappelle que les billets pour la convention Terra Incognita 2013 sont également en vente. Et on parlait tantôt de RPWL. Toute l'équipe est assez excitée de penser qu'on va avoir devant nous RPWL, un groupe qu'on suit depuis leur premier album en 2000. Et c'est toujours excellent. Le dernier album est d'ailleurs très, très bon. Et ça, c'est sans parler de Flower King, Castello di Atlante et Fido, qu'on pensait jamais voir sur scène parce qu'ils font très peu de concerts et ce sera d'ailleurs le dernier. Mais on a encore plusieurs semaines et plusieurs mois pour vous en parler, mais ne tardez pas à acheter les billets. Donc, pour ce qu'on a entendu avant de terminer, c'était Vieux Carré, un groupe italien qui a sorti un album qui s'appelle Hetero Nimi. Et juste avant ça, Catatonia. En fait, juste avant ça, c'était plutôt Nectar. Et on avait débuté avec Catatonia. Et on termine avec No Man, avec un album en concert qui s'appelle Love and Endings. On va entendre la pièce All the Blue Changes. Et c'est Bruno et Jean-François qui vous souhaitent une très bonne semaine et merci d'avoir été là. This is called All the Blue Changes. All the things we were,